acclamons, Seigneur, merci. Tu es chaque Dieu, tu es digne, tu es digne. Quelqu'un acclame, quelqu'un acclame. Una idea, mi querere. Chante pour toi, merci. Béni soit ton nom, Seigneur. Libarikiwe jina Yahweh, béni ta parole ce soir. Bariki neno lako jioni ya leo. Nous sommes venus. Tumekuja mahali hapa. Dans la piscine de la grâce. Kwa kisima cha neema. Accepte-nous. Tukubali kila mmoja wetu. Accueille-nous. Chacun pour sa part. Kila mmoja pate sehemu yake. Et que tout te soit soumis. Na yote nyenyekee mbele zako. Au nom de Jésus. Kwa uweza wa jina lako Yesu Kristo. Amen. Amen. Tu peux accueillir deux personnes. Karibisha watu wawili. Dis-lui bienvenue à la piscine. Umemwambie umefika kwa kisima cha neema. Kama utajitupa ndani kwa kuogelea, kama utashota wewe tu. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Acha niwaeleze kitu moja. À Bethesda, la piscine de Bethesda. Kwenye kisima cha Bethesda, l'ange venait. Malaika alikuja. Et il remuait l'eau dans la piscine. Na alitikisa maji ya kisima. Et la première personne qui s'est jetée dedans était guérie. Alipata uponyaji wake. Il y avait un paralytique là-bas palikuwa pale kiwete mmoja qui a fait autant d'années, vous connaissez. Amekawia pale miaka mingi sana. Jusqu'à ce que Jésus arrive. Mpaka Yesu akamkaribia. Elle lui touche à l'épaule. Na akamgusa kwenye bega lake. Elle lui dit, tu fais quoi ici? Na akamwambia hapa sio kwako unafanya nini hapa? Je n'ai personne pour me jeter dedans. Asema sina mtu kunitupa mwa hiki kisima. Et quand l'eau est remuée, na maji kitikiswa, les autres me précèdent. Walio na nguvu wanajitupa mbele yangu. Et Jésus n'est pas descendu dans la piscine. Na Yesu hakushuka mwenye kisima. Pour la remuer. Ili kukitikisa. Et dire à ces messieurs, na kumwambia ule bwana, saute. Sasa jitupe ndani. Le phénomène, namna, le phénomène qui s'est passé dans la piscine, iliyokuwa ikipitikana mwenye kisima, c'est le mystère de la grâce. Ni siri za neema. Nous avons lu hier, jana tumefanya usomi, les richesses, utajiri ule mkubwa, incompréhensibles de Dieu, usioeleweka wa Mungu. La grâce, neema, c'est un mystère incompréhensible. Misiri isiyoeleweka. Regardez. Angalia. Dans cette piscine, katika hiki kisima, lorsque quelqu'un était malade, mtu mgonjwa, et qui venait se jeter dedans, na akaweza kujitupa ndani, il y a des cas multiples. Palikuwa magonjwa mbalimbali. Il y avait des maladies démoniaques. Magonjwa ya mapepo. Il y avait des maladies biologiques. Magonjwa ya kawaida. Il y avait des maladies de fétiche. Magonjwa yenye watu walimtupia mtu. Il y avait des maladies héréditaires. Magonjwa watu waliriti kwa wazazi. Il y avait des paralysies. Na kulikuwa viwete. Toutes sortes de maladies. Aina zote za ugonjwa. Si on amenait ces malades ici aujourd'hui, mugonjwa yule wangemleta hapa, certains nous allions les recommander chez les médecins. Na wengine tungelisema aende kwa mganga fulani. D'autres on allait les recommander à l'équipe d'intercession. Na wengine tungelisema pour la délivrance. Waende hapa, waende waombee ufunifu. Certains on allait imposer les mains. Na wengine tungewawekea mikono. Toutes ces pratiques que nous faisons. Hivi vitu vyote tunafanyaka. Maintenant regardez. Sasa angalia. Dans la piscine de Bethesda. Kwenye hiki kisima cha Bethesda. Tous ces multiples opérations, utendaji wote huu wa namna zote, tous ces formes d'opérations, aina zote hizi za utendaji, se produisaient instantanément. Ilitimilika hapo hapo. Lorsque le monsieur ou la femme mutu tu mume au muke plongeait dans l'eau, angejitupa tu mwa ile maji. S'il avait des démons, kama alikuwa na pepo, les démons sautaient. Na pepo wanaruka wanamwacha. S'il avait l'impesse, kama alikuwa na pesse, unajua mpesse. S'il avait les masisi, kama alikuwa na masisi, quand il tombait dedans, akiweza kuanguka tu les masisi et tout son système, vitu yote inamwacha, s'échappait. S'il avait une paralysie, kama alikuwa na ulemavu wowote, le corps s'arrangeait, na mwili unakamata mstari wake. S'il avait un organe qui manquait dans le corps, l'organe se créait. S'il avait des myomes, les myomes partaient. S'il avait un goitre, le goitre partait. Et il n'y avait pas un bassin où on allait retrouver la maladie qui était dans la personne. C'était pas ça. C'est-à-dire, la grâce de Dieu est capable d'opérer dans toutes les directions. Et lorsque nous allons dans le bain de la grâce, soyons rassurés qu'il n'y aura pas de formule là-dedans. Il n'y a pas de formule dans la piscine de Bethesda. Ce texte ne parle pas des besoins financiers. La Bible parle des malades. Maintenant, regardez. Jésus vint là-bas. Parle tout. Celui qui détenait les mystères qui produisaient les effets là dans l'eau. Celui qui est la grâce. 1 Corinthiens 13:13. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. Okay. Jésus-Christ, la grâce. C'est-à-dire, les détenteurs des mystères incompréhensibles qui se produisaient dans la piscine. Il se promenait avec ces mêmes mystères. On pourrait dire la piscine de Bethesda se promenait mobile au kinyi kutembea njo Yesu mwenyewe. Et puis la piscine est venue devant quelqu'un qu'on a... La piscine s'est approchée de quelqu'un qui n'avait pas de famille. Ce monsieur a dit, je n'ai pas de famille. Quand l'eau se mouve, je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Jésus dit, moi je suis venu t'aider. Mais aujourd'hui tu ne vas pas descendre là-dedans. Tu descends dans l'autre piscine. En fait, aujourd'hui, tu descends dans la piscine principale. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la piscine principale est mobile. Elle est venue à Goma, dans les grâces des sondages. Et elle est venue jusqu'à toi. Tu ne vas pas prendre un billet d'avion jusqu'à Israël. La piscine est venue à Goma. De la même manière que Jésus s'approche, il est hors de la piscine. Mais les mystères de la piscine sont avec lui. Et les mystères opèrent. De la même manière. Mais la différence, c'est que ces mystères démontrent la grâce. Parce que pour monter dedans, dans la piscine, il fallait faire quelque chose. Maintenant, c'est paralytique. Il ne va pas faire quelque chose. Il n'y a pas quelque chose qu'il va faire. Pour sauter dans l'eau, il y avait un petit travail à faire. Mais maintenant, quand la piscine se promène, quand la piscine marche, la grâce marche. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire. Laisse-toi seulement trouver par Jésus. Laisse Jésus te trouver. que Jésus te localise. Tu peux faire la moindre chose. C'est de dire à Jésus, Jésus, je suis ici. Je suis ici, Jésus. Je n'ai pas l'énergie pour sauter. Je n'ai pas d'argent pour aller à l'hôpital. Je n'ai pas de paroles pour convaincre mon mari. Pour que le mari abandonne les fidélités. J'ai pas de force pour les ramener. Mais je suis venu dans la piscine. Comme ta piscine est incommensurable, ta piscine est mobile, ta piscine est illimitée, ta piscine est infiniment. Que ta piscine le rejoigne là où il se trouve. Que ta piscine le rejoigne, mon enfant. Il est dans la drogue. Que ta piscine le rejoigne là où il est. Que ta piscine rejoigne mon père qui est malade. Que ta piscine rejoigne ma famille qui est dans la sorcellerie. Même à ce moment, ils sont en train d'ensorceler. Attends, ça y est, il y a un loga. Que ta piscine rejoigne cet homme qui en ce moment est en train d'ensorceler. Vous comprenez ça? La piscine de Jésus. La grâce. Elle est illimitée. Elle ne te demande pas grand chose. Grâce signifie faveur imméritée. C'est-à-dire que tu vas rien mériter. Mais la grâce va prendre ce que tu ferais. Elle met dans le lot de Jésus. Le met dans le lot de ce que Jésus a déjà fait. Amen. La grâce. Neema ya Bwana. Neema zako fazeliza kokila asubuhi kwetu ni mpya tena anifariji moyo niamkapo neema zako fazeliza kokila asubuhi ni mpya tena anifariji moyo niamkapo baba utukuzwe baba uinuliwe Yehova baba uinutuzwe baba uimidiwe Neema yako fazili zako kila asubuhi ni mpya tena yanifariji moyo niamkapo neema neema yako fazili zako kila asubuhi ni mpya tena Ifariji moyo niamkapo neema yako fazili zako kila asubuhi ni mpya tena za ifariji moyo niamkapo. Tu peux le dire avec conviction, Neema. Neema yako fazili zako kila Asubuhi ni mpya tena za nifariji moyo niamka neema zako fazili zako kila asubuhi ni mpya tena za nifariji niamka baba utukuzwe baba uinuliwe baba baba baba baba baba baba baba uinuliwe baba baba Baba, Baba, et Baba, Baba, tu as libéré ton fils pour nous, Seigneur. Tu as libéré la grâce par Jésus-Christ. Baba, et Baba, oh Baba, Baba. Alors, frères et sœurs, nous avons commencé à parler hier des personnes à qui est destiné ce programme. Et nous avons vu deux personnes hier. La première, un Archois qui termina 2018, nouveau départ, était en train d'être reconnaissant. Il était plein de gratitude. Et il voulait que ce même Dieu lui apporte 2019 un 2019 meilleur que le que 2018. C'était ça son cœur. Et nous avons vu que Dieu est disposé à faire encore comme il a fait. Il a dit, il peut faire pour toi encore. Alors viens dans le bain de la grâce. Viens à la piscine de la grâce. Nous avons vu une deuxième personne. C'est cette personne qui avait l'impression qu'il a raté. Qu'il a raté son nouveau départ, mais qui voulait prendre courage et qui disait mieux vaut tard que jamais. Et nous avons vu que Dieu était en train de lui dire, mais souviens-toi d'un homme semblable à toi, Job. Il languissait. Il s'attendait. Il crevait. Dans l'attente. Qu'est-ce que Dieu allait faire? Et il a prononcé une parole. Il a dit, je sais que mon rédempteur se levera. Et effectivement, son rédempteur s'est levé. Il lui a doublé tout ce qu'il attendait. Il lui a doublé ce qu'il avait perdu. Alléluia. Amen. Permettez que nous voyons la troisième catégorie de personnes. Et pendant que nous y allons, j'aimerais que chacun se localise. Essaye de retrouver ton cas. Quel est ton cas? Tu es dans le premier cas ou dans le deuxième? Ou tu seras dans le troisième ou le cinquième cas ou le septième cas? Le troisième cas, c'est toute personne qui passe par des situations délicates. Il a fait des efforts pour s'en sortir. Tu as essayé à gauche. Ça n'a pas marché. Tu as essayé à droite. Ça ne donne pas. Vous savez, quand nous vivons ces choses, C'est pas toujours innocent. Si tu kwa bure. Parfois c'est notre faute. Mara inaweza kuwa ni kosa letu. Parfois c'est la souveraineté de Dieu. Ao ni kutaka kwa Mungu au ni kosa. Parfois nous sommes dans des combats. Ao ni vita imeinuka. Parfois nous sommes sous un jugement de Dieu. Ao hukumu ya Mungu iko juu yetu. Et nous luttons à gauche, nous luttons à droite. Na ngambo na ngambo. J'aimerais dire à cette personne. Nataka niambie huyu mtu. Fais comme David. Ufanye kama Daudi. Plutôt dans Osée chapitre 6 verset 1 et 2. Katika Hosea 6 moya na 2. Osée dit le prophète. Nabi Hosea kasema. Il dit venez, retournons à l'Éternel. Akasema njoni tumrudirie Bwana. Car il a déchiré. Sababu ni yeye alipasua. Mais il guérira. Na ni yeye ataponya. Alléluia. Amen. L'Éternel, retournons à Dieu. Tu murudirie Mungu. Il a déchiré. Aliumiza. Mais il guérira. Nani ataponya. Il a frappé. Alipiga. Mais il bandera. Nani atatunza. Nos plaies. Vidonda vyetu. Il nous rendra la vie. Ataturudishia uzima. Dans deux jours. Katika siku mbili. Dit à ton voisin deux jours. Ambia mwenzako siku mbili. Deux jours. Siku mbili. Dans deux jours. Katika siku mbili. Et le troisième jour. Na siku ya tatu. Il nous délivrera. Atatukomboa. Et nous vivrons. Tutaishi. Devant lui. Mbele yake. Si tu as tâtonné. Kama tu as essayé à gauche, à droite. Papasa, ngambo na ngambo. Écoute ce que Dieu te dit. Sikia yale Mungu anakuambia. Retournons à l'Éternel. Umurudirie Mungu tu. Autrement. Nikusema, allons dans le bain de la grâce. Tuendelee katika kisima kya neema. Si nous souffrons kama tumeteswa kwa namna de la part de Dieu, kutoka Mungu, il va nous guérir. Mungu atashurulikia mateso yetu. Qu'est-ce que nous devons faire? Tutafanya nini? Retourner seulement atutamkimbia, dans le bain de sa grâce. Tutakaribia neema yake. Nous n'avons même pas d'explication à donner. Hatuna vya kueleza mingi. Quelquefois nous prions à taper les murs. Mara nyingi tunaweza kupiga ukuta. Retournons à l'Éternel. Tumukaribie tu. Frère, retourne à l'Éternel. Ndugu dada murudirie Mungu wako. Tu es blessé. Umeumia ndio. Tu es dans la souffrance. Uko katika mateso ndio. Il est écrit, il fait la plaie et il la bande. Nasema Mungu anaumiza tena anatunza. Mais lorsqu'il constate Mungu anapoona que ton cœur moyo wako s'est amolli, imekuwa yenye kuvunjika. On a dit ceci. Wamesema hivi. En natation, si quelqu'un fait naufrage, kama mtu anaanza kuzama et qu'il est encore en train de s'agiter, na angali anajipiga piga, il faut pas oser aller le sauver. Usipime kumuokoa, atakuzamisha. N'est-ce pas? Si ndio vile wanasemaka. Il faut le laisser s'affaiblir. Paka achoke aache mikono yote. Bon, mais il faut être très bon nageur parce que si tu le laisses s'affaiblir, il sera déjà dans le fond du lac. Lakini nafaa ukue mwenye unajua maji vizuri sababu ukimwacha anaweza kwenda na unamkosa. Lorsque nous sommes en train de nous débattre encore. Mara tunapopigana kwa nguvu zetu kwa akili zetu. Parfois Dieu nous laisse. Mara nyingine Mungu anatuacha. Parce que quand même il nous dirait fais ceci, hata Mungu akikwambia fanya hivi mwanangu, nous n'allons pas comprendre. Utatumainia nguvu zako kwanza, akili zako kwanza. Et quand tout semble noir, wakati hivi vyote vinageuka giza, tu as besoin de faire une seule chose. Sasa unaweza kufanya tu kitu moja. Abandonne-toi. Kujiachilia tu, Bwana ninajiacha mikono yako. Dit Seigneur, Bwana, mimi nimeshindwa. Bas. Mimi nakuja kwako tu ndio kuko tumaini langu la mwisho najimwanga mu mikono yako. Me voici seulement. Sina mtu najimwanga mu mikono yako. Venez, retournons à l'Éternel. Joni tumurudirie Bwana Mungu wetu. Il a frappé. Amepiga ndio. Mais il guérira. Atatuponya. Il a blessé. Aliumiza. Il bandera nos plaies. Ataponya na kuvitunza vidonda vyetu. Retournons à lui. Tumurudirie. Et nous vivrons. Tutaishi. Devant lui. Mbele yake. Seigneur, je veux retourner à toi. Buona, durant ces deux semaines, kwa haya mawiki mawili, fais-moi grâce. Nipenema, je veux retourner à toi. Nikurudirie. Je vais déposer les armes. Nitatua mzigo wangu mbele yako. Tu as cherché du travail. Ulitafuta kazi. Et comme tu n'en trouves pas, na kwa gizi umeikosa, tu te prostitues avec ceux qui ont des travaux. Unasema uende sasa ufanye uasharati na wenye wako na kazi wakupe pesa. Tu te bats à gauche à droite. Unajipiga piga huko vinashindikana. Dépose les armes. Acha kujipigania. Va dans la piscine et la grâce. Kuja mukisima kya neema uliye mbele ya Mungu akupe neema. C'était difficile. Magumu mengine. Tu as décidé d'aller devenir mai mai. Wengine wanasema mimi naacha na kanisa mimi naenda geuka mai mai. Mwenyenda kutana mimi naua tu sina huruma tena. Vous savez pourquoi notre société est compliquée? Unajua kwa nini jamii yetu imeharibika hata? Parce que nous ne comprenons pas comment Dieu fonctionne. Sababu hatujui mitumikio ya Mungu. Et quelquefois nous nous débattons au point de déborder. Namna nyingine tunapigana kinyume hata ya nguvu zetu. Et nous posons des actes qui na tunafanya vitu ambavyo Mungu anashangaa vinyi tunafanya. Dieu s'étonne de nous. Mungu anatushangalia. Alors qui se dit mais il suffit de venir à la grâce. Anasema tusiukui hapa upate neema. Seigneur, fais-moi grâce. Bwana, unifanyizie neema. Tu peux dire avec moi, Seigneur, fais-moi grâce. Ambia Mungu, unifanyizie neema. Dis, Seigneur, je dépose les armes. Mwambie Bwana, natua mizigo yangu kwako. Nous courons à longueur de journée. Hapa, mchana, tunapita huku na huku, nous nous battons. Na usiku, contre lala. Tout le monde. Tunatokotesha kichwa, tunaipiga kumakuni. Et Dieu est en train de dire. Na Mungu anasema. Ta grâce est disponible, même quand c'est pénible. Bwana nasema neema yangu iko tayari, hata kama ni magumu, neema yangu ingali, hakuna kitu kinashindikana. Kungali tumaini, kwa yule angali anaishi, na mwenye kumtumainia Yesu Kristo pana tumaini kwake. C'est ingali inawezekana. La grâce est neema iko tayari. Hata wakati ni magumu. Pénible. Rien. Hakuna kinachoshindikana. Possible. Il y a de pangali tumaini. Kwa yule yoyote anaamini jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Pangali tumaini kwako dada, pangali tumaini kwako ndugu. Je ne sais pas si celui dont je parle c'est toi. Si jue nani niko na muongelea. Mais si ce n'est pas toi, peut-être c'est ton voisin. Kama haiko wewe ni jirani yako, lakini hii ujumbe. Alors aide-moi à dire au voisin. Ambia jirani yako. Vraiment dis-lui de tout ton cœur. Mwambie na moyo wako wote. Dis-lui il y a encore de l'espoir. Mwambie kungali tumaini usiende kujiumiza. Il y a encore de l'espoir pour toi. Pangali tumaini kwako. Dans la grâce. Ndani ya neema ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. La troisième, la quatrième na, personne. Aina ya ine ya mtu tunaongelea hapa. C'est cette personne ni yule mtu qui est dépassée. Ambaye amepitiwa. Et qui se rend compte en même temps na anavumbua mara moja qu'elle ne peut même pas oser lever les yeux devant Dieu. Hawezi hata kumuinulia Mungu macho. Parce que cette personne se sent indigne. Quand on mentionne le nom de Dieu saint, il a envie de se cacher. Il a même envie de disparaître dans la terre. Le lieu dont tu as besoin d'aller te cacher, c'est justement ici. À la piscine de la grâce. Viens à la piscine de la Kuja, grâce. Fais comme David. Ufanye kama Daudi. À un moment, David a fait le dénombrement du peuple. Moja, Daudi akahesabu watu. Dans 2 Samuel chapitre 24. Ya Mungu, katika Samueli wa pili, makumi na ine, verset 14. Kumi na ine. Et Samuel et David na, a commis un forfait grave. Kosa, kwa watu wa Mungu. Il a fait le dénombrement du peuple. Taifa la Mungu. Et Dieu était fâché Mungu contre lui. Et lui a envoyé le prophète Gad. Mungu, et lui dit, tu vas choisir na, entre trois fléaux. Ambia, utafute, vitu vitatu, pigo tatu, chagua ndani moja. La famine, la peste. Pigo ya kwanzo, utakuwa nja, tu vas choisir. Kupanga, kutakuwa vita. Et c'était catastrophique. Na, vyote vilikuwa vigumu, vigumu. La colère de Dieu s'est enflammée. Asira ya Mungu ilikuwa imewaka. Ce jour-là, na, iyo siku, 70 000 morts. Watu elfu makumi saba walikufa. Par la colère de Dieu. Sababu Mungu alikuwa amekasirika. 70 000 morts. Watu elfu makumi saba walikufa ndani ya mgini. Devant ce malheur, devant ce, mbele ya hiyo kilio, cette chose grave. Mateso, hiyo shida. Un peu comme la gravité des choses que toi tu fais. Kama vitu ambavyo wewe mwenyewe unafanya. Et que Dieu est fâché contre toi. Mungu anakukasirikia. Et que Dieu na Mungu est prêt à exterminer les gens. Anaweza hata maliza watu juu ya kenye ulifanya. Les conséquences risquent d'arriver. Matokeo mabaya ya kenye ulifanya anaweza kuangukia watu. David dit quelque chose. Daudi akamwambia Mungu kitu moja. Que Dieu voudrait dire à quelqu'un aussi. Ambayo nataka nikukopeshe hii jioni. Il dit, Daudi akasema hivi. Verset 14, je suis dans une grande angoisse. Niko katika shida kubwa. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel. Afazali, nianguke mikononi mwa Bwana Mungu wangu. Car ses compassions sababu sont rehema immense. Zake ziko kubwa sana. Dites ses compassions sont sema immense. Rehema za Mungu ziko kubwa sana. Ses compassions sont rehema immense. Za Mungu ziko kubwa sana. Hata mtu alikosa Mungu anaendelea kutuhurumia. David dit, je ne veux pas tomber entre les mains des hommes. Sitaki nianguke mu mikono ya watu hawana huruma. Et à un moment même, il a dit au prophète, il a dit à Dieu, il dit, mais Dieu, c'est moi qui ai péché. Pourquoi tu tues 70 000 personnes? Que cette plaie arrive à moi et à ma famille. Mais c'était déjà parti. Jusqu'à ce que Dieu Mungu se souvienne de ses compassions immenses. Et il arrêta la plaie. Na et David alla offrir un sacrifice. Na Daudi akatolea Mungu zabihu. Certainement que ta culpabilité est profonde. Inaweza wezekana ile kushtakiwa kwetu kufuatana na vile tulifanya ni kubwa. Tu trompes ta femme. Unadanganya mke wako. Ou tu trompes ton mari. Au unadanganya mume wako. Ou tu tues les gens. Au unawaua watu. Ou tu es de ceux qui distribuent les carreaux. Au unapana sumu. Au unaporomosha. Mnajua kuporomosha? Avortement. Ndio yeye pasteur anasema. Ta culpabilité est forte. Na unasikia moyo wako na kushtaki ya kwamba ustahili hata kuomba. Même quand on vient à la prière, hata unapokuja fasi ya maombi kama hapa, tu n'oses pas. Wewe haupime omba kinywa ishafungana. Tu n'oses pas ouvrir la bouche. Kinywa hauwezi hata kusema neno moja. Ta culpabilité est grande. Sababu roho yako inakuambia haustahili kuomba. Et il est possible na inawezekana que tu es même déjà sous le coup du châtiment de Dieu. Inawezekana hata matokeo mabaya inaanza kukupata. Je te le dis avec larmes. Acha nikuambie na machozi moto. Reviens à l'Éternel. Rudiria Mungu. La grâce est là. Repens-toi. Reviens à Dieu. David dit, oh, afazali, tombons dans les mains de Dieu ya Mungu wangu, parce que ses compassions zake sont immenses. Viko kubwa. Que des fois nous vivons à l'église avec des personnes mara tunaishi kanisani na watu qui en même temps sont à l'église sont en même temps dans le péché. Na wako ndani ya kanisa na wanaishi ndani ya zambi. Il y a des gens qui tombent dans le péché mais il y en a qui vivent dans le péché. Kuna wengine wanaanguka lakini wengine ni maisha ndio kawaida. C'est ça sa vie. Maisha yake. au point que sa conscience ne lui reproche plus. Que ta conscience revive ce soir. Et recommence à te reprocher. Vous savez, c'est un grand malheur lorsque ta conscience cesse de fonctionner. La conscience, nous l'avions dit dans un séminaire passé, c'est la lampe de l'âme. Et lorsque la lampe s'éteint, l'âme fonctionne comme elle veut. Vous voyez les gens qui vont dans les homosexualités, dans toutes ces bêtises. Leurs lampes sont déjà éteintes. Je vous disais, il y a une sœur qui a été à Bahamas, aux États-Unis, et puis en allant dans un quartier, ils ont vu des gens, les nudistes. Des nudistes. Et puis ils sont fiers, ils marchent. Et puis quand ils ont vu la sœur étonnée, on voit, quand on voit certaines choses, parfois on a froid. Et ces gens-là sont approchés de la sœur pour dire, tu veux prendre une photo avec nous? La lampe de l'âme est déjà éteinte. Ils n'ont même pas honte. Et les mamans, et les papas, et leurs enfants. Elles marchent comme ça avec les enfants. Maman et papa, et les maziba. La lampe de l'âme est éteinte. C'est un grand malheur, frère. Je le dis avec larme. La lampe de ton âme, lorsqu'elle s'éteint, tu deviens sans frein. Unageuka kama mutu nyama. Na frein tu n'as pas de frein. Frein haiko unaweza gonga kwenye utagonga unagonga. Que Dieu ressuscite ta conscience. Mungu afufue zamiri zako. Vous savez, vous pouvez être dans le péché le plus catastrophique. Tant que votre conscience est encore là, wakati zamiri yako ingali kawaida, vous êtes candidat à la grâce. Ungali mwenye unaweza kupata neema sababu utajisikia haustahili kuishi pale. Mais quand ta lampe s'éteint, wakati ta laisha zimika, même quand on t'apporterait la grâce, hata wangekuletea neema, sur un plat, kwa sani, tu la verras pas. Hautaiona. Ça, c'est la quatrième personne. Reviens. Rudi kwa Bwana. Tombe dans les mains de l'Éternel. Et si Dieu va te châtier, accepte qu'il te châtie. Parce que vous savez, lorsque nous péchons contre Dieu, en d'autres termes, ça s'appelle offense. Une offense, kumukosea Mungu, ça crée de la douleur. Tumemuumiza Mungu. Quand tu offenses Dieu, unapomuumiza Mungu kwa tendo lako, tu crées de la douleur dans le cœur de Dieu. Unatia uchungu ndani ya moyo wa Mungu, uzuni ndani ya moyo wa Mungu. Et cette douleur de Dieu, na uzuni ile ndani ya moyo wa Mungu, peut conduire Dieu à te châtier. Il est écrit, l'Éternel châtie l'enfant qu'il aime. Et un cœur repentant accepte le châtiment. David dit que je tombe entre les mains de l'Éternel. Et dans Psaume 51, verset 6, David dit, il dit, tu seras juste à me châtier comme tu veux. Comme pour dire, je suis prêt que tu me châties, Seigneur. Niko tayari hata unipige fimbo yako sababu nimekosa mbele zako. Et c'est cela la vraie repentance. Na hiyo ndio toba ya kweli. Quand nous sommes prêts. Wakati tuko tayari. Que Dieu nous frappe même. Mungu anaweza hata kutupiga. Mais à cause de sa grâce. Lakini sababu ya neema yake. Lorsque notre cœur est prêt à être frappé. Wakati roho yetu inajiweka wazi mbele ya Mungu. Sa grâce. Neema ya Mungu. Lui dit. Inamwambia. Ok, je te pardonne. Mina kuhurumia. Inapita. Évitez de faire des repentances mathématico-stratégiques. Tuache kufanya toba za kiujanja. On a engrossé. Mutu umebebesha mimba. Alors on vient. Sasa unakuja. On est allé avec cette femme plusieurs fois. Umeenda na huyo mwanamke siku nyingi. Ce n'était pas encore péché. Ilikuwa haikuwa dhambi. Jusqu'au jour où il y a une. Paka siku mimi anakuambia niko na mimba. Alors là on va chercher la repentance. Unatafuta toba. Stratégico mathématique. Juu uweze kuonekana kama mtu mwenye ulitubu. Frère, il est temps que nous puissions nous éloigner du péché. L'église doit se sanctifier. Jeune frère, dada kaka, repentez-vous. Tutubu zambi zetu. Cher papa, cher maman, wa baba, wa abandonnez mama, l'immoralité. Mwache uzalimu wenu. Que le vent des divorces qui circule. Na hii mupepeo ya wanaume na wanawake kutaka kuachana sababu ya zambi. Qu'est-ce qui se passe? Ni nini natufikia? Tunakufa nini? Tumelumiwa na kidudu. Que Dieu arrête cette affaire. Mungu asimamishe hiyo kitu katikati yetu. Si tu te trouves dans cet engrenage là. Ukiwa katika vitu kama hivi. Voici deux semaines de grâce et sondage. Juma mbili ya kulilia Mungu neema. Jitupe mu mikono ya Mungu atakuokoa. Viens. Jitupe mu mikono ya Mungu usikimbie. Repent-toi définitivement. Tubu na Mungu akufungue kwa ule vifungo vilikufunga. Dans le bain de la grâce. Ndani ya kisima neema. Nous l'avons dit, la délivrance est faite en même temps. Tulisema ufungulifu unapitikana pale. Les chaînes tombent, minyororo les fidèles brûlent, inakatika. Les maladies sortent, magonjo inatoka, les lois diaboliques, les forteresses maléfiques lâchent, na kila barriere ilikufunga inakatika. Dans la piscine de la grâce, ndani ya kisima ya neema. La cinquième personne, mutu wa tano, c'est cette personne qui ne connaît pas Dieu. Ni mutu asiye mjua Mungu. Et qui me suit dans le média. Na ananifata kwenye media, radio, television. Tu ne connais pas Dieu. Wewe hauya mjua Mungu bado. Et quand tu entends parler de Dieu, unaposikia wanaongelea Mungu, tu as l'impression que ça te concerne pas. Unafikiri Mungu ni kwa wengine sio kwako. Pourtant, ijapokuwa, chaque fois, chaque nuit, chaque matin, kila usiku, kila asubuhi, quand tu te réveilles, tu as envie que la journée s'arrête vite. Unataka usiku mchana uishe mbio. Et quand le soir arrive, ikifika magharibi, tu as envie que le matin arrive na vite. Unataka bukuche mbio. Laisse-moi te dire, acha nikuambie, ce que ton cœur recherche, yale roho yako unataka, c'est le Dieu ni Mungu vivant, aliye hai, Jésus-Christ, Yesu Kristo, le Sauveur, Mwokozi wa wanadamu. Viens dans ce bain de la grâce. Kuja ndani ya kisima kya neema. Tu peux aller partout. Unaweza hangaika huku na huku. Tu n'auras pas la paix. Hautapata msaada. Tu gémiras jusqu'à ce qu'on va t'enterrer. Utasumbuka mpaka utazikwa. Et tu vas aller en enfer. Na utaenda kupotea milele. Volontairement et librement. Utakuwa kwa kuchagua kwako unaenda kwa moto milele. Mais Dieu t'offre la grâce. Lakini Mungu anakupa neema. Durant ces deux semaines. Kwa hii mawiki mawili. Viens au bain de la grâce. Kuja ukashote neema ya maisha yako. Le salut est disponible. Wokovu uko tayari. Peut-être que tu es à ces lieux. Sa zingine unaweza kuwa hata uliingia huko. Haujampa Yesu maisha. Tu es juste dans un mouvement chrétien. Uko tu unaingia mu vikundi ya Kikristo tu. Qu'on appelle Arche de l'Alliance peut-être. Wanaita Arche de l'Alliance na unaenda kule tu es dans un emballement chrétien. Uko tu mwenyewe unaenda mupepeo na kubeba unaenda. Laisse-moi te dire. Acha nikuambie. La grâce est disponible. Neema iko tayari. Viens. Kuja. Et Jésus. Na Yesu Kristo. Va te sauver. Atakuokoa. Il est écrit dans Romains 5:8. Katika Roma 5:8 nasema. En ceci Dieu prouve son amour envers nous. Mungu ameonesha upendo wake kwa wanadamu. Quand nous étions encore pécheurs. Tulipokuwa wenye zambi. Christ est mort pour Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu. Dieu a déjà prouvé son amour pour Yesu toi. Yesu ameonesha upendo wake kwako. Il n'a pas demandé que tu sois d'abord correct. Hakungoya kwanza wewe umjue au kuwe mzuri. Il a livré son fils. Alitoa maisha yake Yesu Kristo. Pendant que tu étais dans le péché. Wakati ulikuwa ndani ya zambi. Viens à Jésus. Kuja kwa Yesu. Dans Matthieu 11:28, il est écrit. Katika Mathayo 11:28. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Dans Jérémie 11:4, il est écrit. Écoutez-moi. Et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Tu peux devenir un peuple de Dieu. Dieu peut devenir ton père. Ce soir, dans Ephésiens chapitre 2, verset 19, il est écrit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Tu peux devenir membre de la maison de Dieu. Viens à Jésus. Kuja kwa Yesu. Réponds-toi. Na utubu zambi zako. Accepte le salut. Kubali wokovu. C'est la grâce. Ni neema Mungu anakupa. Le salut de Dieu wokovu wa Mungu est gratuit. Ni kwa bure hautainunua kwa pesa. La sixième personne. Na mutu wa sita. C'est cette personne. Ni ule mutu qui a cru avec aux paroles que nous avons annoncé, que Dieu a annoncé depuis le début de l'année. Ameamini neno tulisema tangia mwanzo wa mwaka. Mais tu n'as pas encore palpé. Lakini hauyaigusa. Les choses auxquelles tu as cru. Fitu, les paniers des offrandes vont passer, amini. Nous donnons les offrandes. Sadaka inapita tukimalizia hii pointi, sadaka tunazitoa. Tu attends encore. Ungali unangojea Mungu akutendee. Nous sommes les 3. Tuko décembre. Ya mwezi wa 12. Un jour, siku moja, le prophète pose la question. Mutume aka, nabi akauliza Mungu. Une nation peut-elle naître en un jour? Inchi inaweza kuzaliwa kwa siku moja. Et il répondit oui. Na jibu ya Mungu ikasemeka ndio. Et nous avons vu la nation d'Israël naître dans un jour. Israël ilizaliwa kwa siku moja. Alléluia. Amen. Est-ce que ton problème peut être résolu dans Shida un jour? Yako, Mungu anaweza imaliza kwa siku moya, kwa oui. Dakika moya, ndio. Il suffit que tu rencontres la grâce. Nisherti tu neema ikutanane na shida yako. Est-ce déjà perdu pour toi? Je, unafikiri maisha yako imeishia pale non. Imeharibika hapana. La guérison usifikiri est possible usifikiri dans la piscine de la grâce. Ndani ya kisima neema ingali inawezekana kwako. La stérilité peut s'arrêter en un coup d'œil. Kusimama kwa dakika moja. Tous les obstacles qui t'empêchent de mettre au monde kusumbua, peuvent s'arrêter instantanément. Kwa nguvu ya Mungu kusimama kwa et tu peux moja. Y aller mettre au monde na unaweza enda ukazaa l'année kawaida. Prochaine. Mwaka kesho. C'est pas si difficile si que ça pour Dieu. Kwa Mungu wako. Le travail a beaucoup traîné. Kazi imechelewa. Tu peux recevoir un appel. Unaweza kupokea et on te dit de venir travailler déjà demain matin. Kazi, kesho tu, kwa nguvu ya Mungu. La grâce neema. Est indescriptible. Hauwezi kuieleza au kuielewa. Dans la grâce de Dieu, ndani ya neema ya Mungu, il y a des choses qui se font. Unafanyika vitu. Dieu a suffisamment de pouvoir et de capacité. Mungu ana nguvu na ana uwezo wa ajabu. D'accomplir ce qu'il dit. Ya kutimiza anavyovisema. Il est écrit dans Habakkuk 2, verset 1 à 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je guettais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris cette prophétie. Grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu t'a dit au courant de cette année s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle est déjà fixée. Qu'importe le temps et les minutes, le Dieu de l'univers, qui a toute puissance, qui a toute grâce, est prêt à agir. Et il est prêt à l'accorder. Tu seras étonné de voir les choses changer d'un coup, de constater un revirement des affaires, de constater que Dieu tourne les choses, que Dieu tourne les gens qui étaient contre toi et deviennent favorables. Subitement, tu verras les circonstances changer. Subitement, tu verras cette crise s'arrêter. Subitement, tu verras tes affaires reprendre vie. Subitement, tu verras la faveur de Dieu venir sur toi. Subitement, tu verras la puissance de Dieu commencer à se manifester dans ton ministère. Subitement, tu verras, car le Dieu de grâce marche derrière sa parole pour l'accomplir. Il a dit dans Ésaïe 44, verset 26, j'accomplis la parole de mon serviteur et je confirme ce que prédisent mes envoyés. Ce que Dieu dit, et oui et amen. Qu'importe le temps que ça prend, qu'importe le temps que ça prend, il est écrit dans 2 Pierre 1:21, aucune prophétie n'est venue par une volonté humaine, car ceux qui ont parlé ont été poussés par l'Esprit de Dieu. Or, la parole qui sort de la bouche de Dieu est esprit et vie. Il y a la vie dans la parole. La vie qui est dans la parole concrétise, active ce que Dieu veut réaliser. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et que Dieu te l'accorde à partir d'aujourd'hui. Que tu vives Dieu plus que jamais. Que le trône de Dieu te soit ouvert. Que tu rentres. Le voile a été déchiré. Afin que tout le monde entre. Maintenant entre. La grâce était réservée au souverain sacrificateur. Une fois l'an. Il a entré une fois. Et lorsque Jésus est à la croix, le voile s'est déchiré. Afin que tout le monde entre dans la piscine de la grâce. Que tout le monde entre dedans. Aujourd'hui, dans la piscine qui est Jésus-Christ, on n'entre pas seul. Tout le monde peut entrer en même temps. Alors qu'au temps d'Israël, il fallait entrer une personne. Il y avait une petite dose de grâce. Une petite dose qui était juste suffisante pour un individu. Depuis Golgotha, la piscine reçoit tout le monde en même temps. Et quand tout le monde descend dedans, et que tout le monde ressort, les autres viennent entrer dedans, la vie est toujours dedans. Viens frère, rentre dans la piscine. La vie est dedans. Elle ne s'épuise pas. Viens. Jésus est disponible. La grâce est disponible. Lève-nous, on va prier un instant. Rentre dans la piscine. Ne te retiens pas. Commence à parler. commence à parler à Dieu. Va dans la piscine. Vas-y, rentre dedans. Parle au Seigneur, Parle au Seigneur. La vie est dedans. La vie est dedans pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour toi aussi ce soir. Vas-y, rentre, plonge. Plonge dans le bain. Sakaba karobishite ride kubasota ba